Just Techno. C'était Crash Test, forcément, avec un titre comme ça. Ça ne peut être que du son de ce style avec The Game et le remix de Bjorn Smith et de Tenico. Allez, tout de suite, vous jouez avec nous 03 20 83 57 57. Nous avons des entrées gratuites à vous offrir pour ce soir. Alors justement, le réveillon vous attend du côté de La Bûche avec ses résidents habituels. Et puis bien sûr, beaucoup d'invités pour cette occasion. Je vais même vous les citer. Il s'agit tout simplement de Chicago Zone également. Il y aura un versus entre Samuel Sanders et versus Mr. Noba. Mark Wizoka sera présent. Greg C, Massive, The Rebel, Even également, Fifi, Lorenzo. Et puis un versus d'autre part avec Frangie et Alex Kaya, sans oublier Malcolm B en invité. Sinon, Alex Kaya Concept ce soir aussi, le réveillon avec Dave, Luc, Kevin, Hawkins ainsi que Huggy Anton. Et puis on termine aussi avec le Zoo Club avec Ludo, Bot People, Arnaud ainsi que Thomas. Et ça, tous les résidents du Zoo seront présents donc ce soir. 03 20 83 57 57. Vous pouvez nous appeler. On récompense les plus rapides d'entre vous. Attention, ce sont les derniers passeports. Profitez-en. We'll be right back. Galaxy. Galaxy. Welcome to the world of music. Avec l'instant Roisin Murphy, le Overpower, de véritable succès de cette fin d'année 2007. Excellent après-midi à toutes et tous. Bon appétit si vous êtes à table en ce moment. Justement, on va faire un petit point sur les principales soirées qui se déroulent ce soir pour ce nouvel an, l'occasion du réveillon du 31 décembre avec plusieurs plans, notamment la Jezo ce soir avec Chris, Johan, Simaï, Fredoche et Bitben, toute l'équipe des résidents au complet, au grand complet, je dirais même, avec bien sûr tout le staff de la Jezo qui vous accueille à partir de 22h. Et sachez qu'il y aura 200 t-shirts collector pour les 200 premiers à arriver, bien sûr, avec également beaucoup de surprises tout au long de cette soirée, notamment des petits déj, également des coupes de champagne, attention à l'abus d'alcool, et puis un nouveau service de covoiturage dont certainement le personnel vous en parlera un petit peu plus ce soir, si toutefois vous vous y rendez, donc à partir de 22h. Sinon, le Pulse Factory, ce sera avec Yoron, DJ George, Jérôme B de Galaxy, Victor, Sipi, ainsi que Michael Fanza pour le Zoo Club, soirée résident également avec les résidents du samedi et du dimanche réunis, Ludo, Body Paul, Arnaud, ainsi que Thomas et Ced. Pour le Bliss Club, ce sera Stéphane Poland, également 6PO, Flamme et Kurtoun qui fera le warm-up. Pour la bûche, ce sera soirée Jump Style, bien comme il faut, avec Chicago Zone en invité, Marc Wizeka, Greg C, Massive The Rebel, Even également, Fifi, Lorenzo, et puis deux versus, un dans la salle House avec Frank J versus Aleskaya, et puis dans l'autre salle, Samuel Sanders versus Marcus, Mister Noba, sans oublier Malcolm B, qui sera également au platine. Sinon, on laisse quel concept pour clôturer ce petit agenda et petit rappel pour ces soirées. Eh bien, ce sera avec Dave, Luke, Kevin, Hawkins, ainsi que Eucky Anton. L'entrée est fixée pas très chère. On va pas donner de prix, tout simplement, pour pas vous influencer. En tout cas, beaucoup de surprises ce soir, notamment du champagne. Encore une fois, attention à l'abus d'alcool. Des fruits, des brochettes, des petits déjeuners en perspective et plein de bonnes choses. Donc, ce sera ce soir. Attention, message aussi pour tous ceux qui ont gagné pour l'Escape Concept ce soir. Ils doivent se présenter avant minuit. Sinon, ils ne seront pas transformés en citrouille, mais ils ne pourront pas malheureusement rentrer gratuitement. En tout cas, donc, vous êtes prévenus, vous devez vous présenter avant minuit. Pour ceux uniquement qui ont gagné sur Galaxy, en tout cas, leur entrée est gratuite. Allez, on va se détendre un court instant et souffler quelques minutes avec Lounge of Spirits. Voici Life in Balance. Galaxy. Galaxy. Music. Or happy people. Happy people. Happy people. Thank you. music remains on top. Galaxy avec à l'instant Noël Signer et le Pull Over. Allez, tout de suite, vous jouez avec nous, 0320 83 57 57. Nous avons encore quelques entrées gratuites à vous offrir. Attention, ce sont les derniers passeports, donc tendez bien l'oreille. Il y a des entrées encore pour La Bûche ce soir avec le versus entre Mister Noba et puis Samuel Sanders. Également Chicago Zone en invité, Marc Wizeka, Greg C, Massive, The Rebel, Even, Fifi, Lorenzo et puis Malcolm B. Et puis un autre versus dans l'autre salle avec Frank J versus Alex Kaya. Il y a aussi encore des entrées pour le The Club avec Ludo, Bot People, Arnaud, Thomas et Ced. Et puis c'est tout après tout. Hein. Vous pouvez nous appeler au 0320 83 57 deux fois et tenter d'être intercepté dans les plus rapides. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour le jeu et on vous souhaite également de passer d'agréables fêtes de fin d'année. leader de la scène électronique. We'll be right back. Galaxy avec à l'instant le switch A Bit Patchy et le remix signé par l'excellent Eric Pride. Excellente après-midi à toutes et tous. D'ici quelques instants, il y aura encore des passeports gratuits à vous offrir pour l'Escape Concept, pour le Zoo Club et puis également pour la bûche. Ce sera d'ici 10 petites minutes. En attendant, on vous rappelle quand même le programme de votre soirée. À partir de 17h, vous retrouvez Tony pour la suite de l'animation. Hubert, justement, en émission spéciale entre 20 et 21, suivi de Chris Collins pour un Best of House 2007 entre 21h et 23h. Également, il y aura Even et Silver, Fongji, ce sera du live, Laurent Warin également du live, Yuri enregistré à l'Escape Concept lors de la soirée So Retro, ce sera entre 4h et 6h du mat, en tout cas aux alentours. Également un mix de 6PO, et puis demain, forcément, on vous retrouve à partir de 7h jusqu'à 17h pour un programme journée. Il y aura aussi un best-of de l'année 2007 Progressive et Trends présenté par Nicolas, donc demain, mardi soir, dans son émission Trip in Progress à partir de 21h. Et puis, bien sûr, tous les programmes habituels qui suivront. Voilà, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. On est encore ensemble, bien sûr, jusqu'à 17h. Et d'ici 10 minutes, notez bien d'autres entrées gratuites pour ce soir. See. I'm not afraid to Vous connaissiez bien sûr l'original avec Toka. C'était de Fragma, sorti déjà depuis quelques années. Classique, une fois remixé avec notre ami Deadmo5, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Et tout de suite, vous jouez avec nous 03 20 83 57 57. On vous l'a annoncé il y a un petit quart d'heure maintenant, mais on a pris un petit peu de retard quand même. Mais ce n'est pas très grave. On vous offre des entrées gratuites valables pour l'Escape Concept ce soir. Attention, entrée valable avant minuit. J'insiste là-dessus. Il y a des entrées donc pour l'Escape Concept pour retrouver tous les résidents habituels avec en invité Hawkins qui sera dans la salle avec Gunton avec beaucoup de surprises pour vous justement pour cette célébration de la nouvelle année. Il y a aussi des entrées pour La Bûche avec Samuel Sanders versus Mister Noba d'ailleurs également, Chicago Zone, Greg C, Massive The Rebel, Frank J et puis Malcolm B, Aleskaya, je le redis, 03 20 83 57 57, La Bûche ou l'Escape Concept, c'est sur la même route mais deux ambiances différentes, bref c'est à vous de choisir votre destination. Galaxy. Don't stop music. It's gonna be. Galaxy, souvenir un instant avec Deep Zone, It's Alright, sur la compilation Extreme qui était sortie il y a quelques années maintenant. Je regarde même sur la pochette, c'était en 1996. Ah oui, ça date quand même. Allez, c'est pas fait pour nous rajeunir tout ça, et encore moins ce soir, car nous allons passer une nouvelle année, l'année 2008, en espérant qu'elle soit encore plus fructueuse que l'année 2007. On l'espère pour vous en tout cas. Mais rassurez-vous, Galaxy vous accompagne encore pour très très longtemps. On espère en tout cas, et vous donner un maximum de plaisir à travers notre musique. Sinon, un petit point sur l'information de proximité, vite fait, entre tous ces rappels de soirée. N'oubliez pas quand même qu'il y a le salon de l'étudiant, ce sera la 21e édition, et ce sera le salon du lycéen et de l'étudiant, donc les 17, 18 et 19 janvier à Lille Grand Palais, de 9h à 18h. Le salon est construit sur le thème bien choisir ses études et bien choisir son métier. Sinon, autre information concernant un concert à la boîte à musique de Waterloo, ce sera samedi 19 janvier à partir de 15h. Sur scène, ce sera les Scandinavian Metal Attack pour un plateau métal hors du commun. Renseignements par téléphone 06 67 13 67 30. Voilà, d'autres infos toujours sur le site de Galaxy, www.galaxyfm.com. Galaxy, just techno. Galaxy. The best house and techno records. Avec un instant le Paul Kalkbrenner avec le Gebrin, pas évident à dire. Hein. Paul Kalkbrenner, comme ça se prononce, avec le titre Gebrin, donc c'était de la compilation Sherry Moon Next Generation. Et justement, c'était Cave avec le Carnival Épice sur label Ingoma. La suite immédiatement avec Air Conditionné. We'll be right back. music remains on top. Situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. Galaxy. Galaxy. Welcome to the world of music. Instant avec l'un des succès de cette année 2007, With Every Heartbeat. Excellente après-midi à toutes et tous. Petit rappel quand même sur vos différentes soirées ce soir pour ce réveillon du 31 décembre. Je rappelle que du côté de La Bûche, c'est une soirée spéciale avec plein d'invités. Il y aura un versus déjà, celui de Samuel Sanders versus Mr. Noba, également Chicago Zone en invité, Marc Wizoka, également Greg C, Massive et The Rebel, Even dans la salle avec Silver, également Fifi en invité, Lorenzo. Et puis dans l'autre salle, ce sera également un versus entre Fangji et Alex Kaya, sans oublier Malcolm Bay. Ça, c'était pour La Bûche ce soir. Donc, ouverture des portes à partir de 22h. J'ai bonne mémoire. Sinon, à l'Escape Concept, ce sera la célébration de l'année 2008, forcément, avec Dave, Luke, Kevin, Huggy Anton et Hawkins sera l'invité de la petite salle. Et puis, sachez qu'il y aura beaucoup de surprises, forcément, des brochettes de fruits, des petits déjeuners, etc. Si vous vous restez très tard, eh bien, on va vous gâter. Sinon, à la Jezo, ce sera l'ouverture exceptionnelle jusqu'à 10h du matin avec tous les résidents du week-end, Chris, Johan, Simaï, Fredush et Beat Ben. Il y aura aussi 200 t-shirts offerts pour les 200 premiers. Et puis, bien sûr, beaucoup de surprises, petit déjeuner également avec plein d'autres choses. Le Pulse Factory, ce sera avec Jochen, DJ Georges, Jérôme B de Galaxy, également Victor, Michael Forza et Sipi. Et puis, on termine avec le Zoo Club, avec Ludo, Bot People, Arnaud, ainsi que Thomas et Sed. Voilà, d'autres infos toujours sur le site de Galaxy, www.galaxyfm.com. Galaxy, out of time. Thank you. Galaxy avec à l'instant le dernier Audio Soul Project, She Turns, sur le label français de David Durier, Brique Rouge.